le 6-9 de l'été, sur France Inter. Voici Magic Elvis avec Philippe Robin sur les traces de Presley, disparu il y a 40 ans, le début des années 70, Elvis à Las Vegas, il a pris du poids et il porte des costumes clinquants. Monique est une admiratrice d'Elvis Presley. En 1971, elle a eu la chance de voir un concert du King à Las Vegas. Rien de tel que de partager avec elle les émotions qu'elle a pu ressentir lors de cette soirée. Il est 20h30, le public est installé et le concert commence. Alors, les lumières s'éteignent et puis, alors, c'est vrai que là, il y a les trompettes, l'orchestre, les chœurs, la musique qui se met en route et ça vous envahit, c'est un grand moment de débordement, de d'émotion. Voilà. Bien, je vois d'abord Elvis avec ses costumes blancs à paillettes, avec des pierres de couleur, etc. Bon, ça fait de la lumière. On a l'impression que c'est pas un être vraiment de chair, c'est quelque chose de particulier. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé bien sûr un petit peu forci, un peu enrobé par rapport à aux quelques années auparavant, mais c'était quand même quelqu'un qui bougeait encore très bien. My scarf's too short, my belt's falling off. Losing my mind, you know. Il communiquait beaucoup avec le public, qui blaguait ou avec ses musiciens. On avait l'impression qu'on était qu'avec lui. If I could be you, if you could be me, for just one hour. We could find a way to get inside each other's mind. Il y a eu un moment, donc il s'est mis à parler et puis il s'est arrêté pour engager une chanson douce. Donc il y avait un moment de silence et puis mon ami qui n'avait pas trop froid aux yeux s'est mis à crier du haut du balcon, bien sûr en anglais parce qu'elle parlait très bien l'anglais. Nous sommes deux Françaises qui sommes venues de France pour vous voir. Alors il a écouté, il a souri. Il a répondu à mon ami en lui disant qu'il était très flatté et il nous a chanté une chanson pour nous. Elvis nous a chanté une chanson que pour nous. Et c'était « Are you lonesome tonight ?»« Are you lonesome tonight ?»« Do you miss me tonight ?»« Are you sorry we drifted apart ?» Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance.